Le rideau découvre une chambre de meurtre. Devant le lit, par terre, une femme en longue chemise est étendue comme assassinée. Silence. La femme se redresse, change de pose et reste encore immobile. Enfin, elle se décide, se lève, prend un manteau sur le lit, se dirige vers la porte après une halte en face du téléphone. Lorsqu'elle touche la porte, la sonnerie se fait entendre. Elle lâche le manteau et s'élance. Le manteau la gêne, elle l'écarte d'un coup de pied, elle décroche l'appareil. Allô? Allô? Allô? Ah mais non, madame, nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochez, s'il vous plaît. Allô? Vous êtes avec une abonnée, madame. Oh. Allô? Mais madame, raccrochez vous-même. Allô, allô, allô, mademoiselle, allô? Mais laissez-nous. Mais non, ce n'est pas le docteur Schmitt. 08, pas 07. Allô, allô? Oh, c'est ridicule. Mais on me demande, je ne sais pas, moi. Oh. Allô? Allô, mais madame, que voulez-vous que j'y fasse? Oh, vous êtes très désagréable. Mais comment ma faute? Mais pas du tout, mais pas du tout. Allô? Allô, mademoiselle? Oh, mademoiselle, on me sonne et je ne peux pas parler. Il y a du monde sur la ligne. Dites à cette dame de se retirer. Allô? Allô, c'est toi? Ah, oui. Oh, j'entends très mal. Tu es très loin, très, très loin. Allô? Oh, c'est affreux, c'est... Mais oui, il y a plusieurs personnes sur la ligne. Redemande. Allô? Allô, redemande. Non. Je dis redemande-moi. Mais madame, retirez-vous, je vous répète que je ne suis pas le docteur Schmitt. Allô? Oh non, c'est pas moi, non. Allô? Ah, enfin c'est toi. Oui, très bien. Oui. Allô, allô? Allô, oui. Oh, c'était un vrai supplice de t'entendre à travers tout ce monde. Oui? Oui? Non. Ah, oh, ben c'est une chance. Alors, je rentre il y a 10 minutes. Vous n'avez pas encore appelé, non? Ah. Non. Non, j'ai dîné dehors. Chez Marthe. Il doit être 11h15. Et tu es chez toi. Alors, regarde la pendule électrique. Ah oui, c'est ce que je pensais, oui. Oui, mon chéri, oui. Hier soir... Eh bien, je me suis couchée tout de suite, et puis comme je ne pouvais pas m'endormir, j'ai pris un comprimé. Non. Un seul. À 9h. Oui, j'avais un peu mal à la tête, mais... Bon, je me suis secouée, Marthe est venue. Elle a déjeuné avec moi, et puis j'ai fait des courses. Je suis rentrée à la maison. J'ai mis toutes les lettres dans le sac jaune. Quoi? Non, très fort. Je te jure. Non, c'est beaucoup, beaucoup de courage. Après, je me suis habillée. Marthe est venue me prendre et puis, voilà. Je rentre de chez elle maintenant. Ah, elle a été parfaite. Ah, très, très bonne, parfaite. Oui, elle a cette air, mais elle ne l'est pas. Donc, tu avais raison, comme toujours. Eh bien, ma robe rose avec la fourrure. Mon chapeau noir. Oui, j'ai encore mon chapeau sur la tête. Non, je ne fume pas. Oh, je n'ai fumé que 3 cigarettes. Si, c'est vrai. Si. Oui, tu es gentil. Oui, et toi, tu rentres? Tu restes à la maison? Quel procès? Ah, oui. Il ne faut pas te fatiguer, tu sais, mon chéri. Allô? Allô, allô, allô, ne coupez pas. Allô, allô, chérie. Allô, écoute, si on coupe, redemande-moi tout de suite. Hein. Et naturellement. Allô, allô. Allô, non, non, je suis là, non. Le sac. Bien, tes lettres et les miennes, tu peux les faire prendre quand tu veux. Oh, un peu dur, oui. Oh, je comprends. Non, mon chéri, ne t'excuse pas, c'est très naturel. Et c'est moi qui suis stupide. Mais tu es gentil. Oui, tu es très gentil. Ah, oh, moi non plus, je ne me croyais pas si forte. Oh, il ne faut pas m'admirer, tu sais, je bouge un peu comme une somnambule. Enfin, je serai peut-être moins brave demain. Toi? Mais non. Mais mon chéri, je n'ai pas l'ombre d'un reproche à te faire. Non, laisse. Comment? Mais c'est très naturel. Au contraire. Mais non, il a toujours été convenu que nous agirions avec franchise et j'aurais trouvé criminel, vois-tu, que tu me laisses sans rien savoir jusqu'à la dernière minute. Non, le coup aurait été trop brutal, tandis que là, ben, j'ai eu le temps de m'habituer, de comprendre. Quelle comédie. Allô? Allô? Qui? Que je te joue la comédie, moi? Oh, tu me connais, voyons. Je suis incapable de prendre sur moi. Oh, pas du tout. Pas du tout. Très calme. Tu l'entendrais. Je dis, tu l'entendrais. Oh, j'ai pas la voix d'une personne qui cache quelque chose, non? Non, mon chéri, j'ai décidé d'avoir du courage et j'en aurai. Ah bon, non, permets. Non, c'était pas pareil. Oui, c'est possible, mais enfin, on a beau se douter, s'attendre au malheur. On tombe toujours à la renverse. Quoi. Mon chéri. Laisse. Non, laisse. Allô, allô? Non, mais laisse-moi parler. Non, ne t'accuse pas, tout est ma faute. Si, si. Mais si, souviens-toi du dimanche de Versailles et du pneumatique. Ah, alors, c'est moi qui ai voulu venir. C'est moi qui t'ai fermé la bouche. C'est moi qui t'ai dit que tout m'était égal. C'est... Non, non. Non? Ah non, non, là, tu es injuste. Non, j'ai téléphoné la première. Ah non, non, non, le mardi. Ah, un mardi. Ah, ça, j'en suis sûre. Un mardi 27. Ta dépêche était arrivée le lundi soir, le 26. Moi, tu penses bien que je connais cette date par cœur. Hein? Ta mère, mais pourquoi? Oh, ben, ça, c'est vraiment pas la peine. Oh, je ne sais pas encore. Oui. Oh, peut-être. Oh, non, sûrement pas tout de suite. Et toi? Demain? Ah, je ne savais pas que tu étais si rapide. Bon, alors, attends. C'est très simple. Demain matin, le sac sera chez le concierge. Alors, Joseph n'aura qu'à passer le prendre. Oh, moi, tu sais, il est possible que je reste, comme il est possible que j'aille passer quelques jours à la campagne, enfin, chez Marthe. Le chien, ben, il est là. Oh, il est comme une âme en peine. Hier, il passait son temps entre le vestibule et la chambre. Il me regardait, il dressait les oreilles, il écoutait, il te cherchait partout. Il avait l'air de me reprocher de rester assise et de ne pas chercher avec lui. Oh, ben, je trouve que le mieux serait que tu le prennes, non? Si cette bête doit être malheureuse, tu... Oh, moi. Non, c'est pas un chien de femme, ça. Je m'en occuperai mal, je ne le sortirai pas. Non, il vaudrait bien mieux qu'il reste avec toi. Oh, il m'oublierait vite. Ben, nous verrons, alors. Nous verrons. Ben, c'est pas bien compliqué. Tu n'auras qu'à dire que c'est le chien d'un ami. Il aime beaucoup Joseph. Joseph viendrait le prendre. Je lui mettrai le collier rouge, il n'a pas de plaque. Ben, nous verrons. Oui, oui. Oui. Oui, mon chéri, oui. Entendu. Mais oui, mon chéri. Chéri, dis-moi, Les lettres. Oui. Tu les brûleras, hein? Que je vais te demander une chose idiote. Non, non, non, voilà. Voilà, je voulais te dire, si tu les brûles, j'aimerais que tu gardes la cendre dans la petite boîte d'écaille que je t'avais donnée pour tes cigarettes et que tu... Allô? Oh, je suis stupide. Non, non, non, pardonne-moi, mon chéri, j'étais très forte et puis... Oh, j'ai une petite chose. Voilà, c'est fini. C'est fini, je me mouche. Ben enfin, je serais contente d'avoir cette cendre-là, voilà. Comme tu es bon, mon chéri. Ah, pour les papiers de ta sœur, eh bien, j'ai tout brûlé dans le fourneau de la cuisine. J'ai pensé d'abord à ouvrir pour enlever le dessin dont tu m'avais parlé, mais puisque tu m'avais dit de tout brûler, ben j'ai tout brûlé. Ah bon? Bon, bon. Ah, c'est vrai que les robes de chambre, tu te couches? Il ne faut pas travailler si tard, mon chéri. Il faut te coucher si tu te lèves tôt demain matin. Allô? Allô? Ben, je ne sais pas, moi. Allô? Allô? Et comme ça? Mais pourtant, je parle très fort, tu sais. Et là, tu m'entends? Non, je dis, et là, tu m'entends? Oh, ben, c'est drôle parce que moi, je t'entends comme si tu étais dans la chambre. Allô? Allô? Allô? Allons, bon, maintenant, c'est moi qui ne t'entends plus. Oh, si, mais très, très, très loin, très... Toi, tu m'entends? Ben, c'est chacun son tour. Tu... Non, non, non, non, raccroche pas, non. Allô, allô? Non, je parle, mademoiselle, je parle. Ah, voilà, je t'entends, non. J'entends très bien, maintenant. Oh, vous êtes désagréable. On croit être mort. On entend, puis on ne peut pas se faire entendre. Non, non, non, très, très bien, hein. Ah, c'est même inouï qu'on nous laisse parler si longtemps. D'habitude, on coupe au bout de 3 minutes et on donne un faux numéro. Oh, j'entends même mieux que tout à l'heure. Je ne sais pas, mais ton appareil résonne. On dirait que ce n'est pas ton appareil. Je te vois. Hein? Quel foulard? Ah, le foulard rouge. Ah, penché à gauche. Tu as tes manches retroussées. Dans ta main gauche, le récepteur. Ta main droite, ton stylographe. Tu dessines sur le buvard des profils, des cœurs, des étoiles. Ah, tu ris. Oui, j'ai des yeux à la place des oreilles. Oh, non, non, mon chéri, surtout ne me regarde pas. Peur? Oh, non, j'aurais pas peur. C'est pire. Enfin, je n'ai plus l'habitude de dormir seule. Oui. Oui, oui. Oui, je te promets. Non, non, je te promets. Je te promets. Tu es gentil. Oh, je ne sais pas. Moi, j'évite de me regarder. Je n'ose plus allumer dans le cabinet de toilette. Hier, je me suis trouvée nez à nez avec une vieille dame. Non, non, non, non, non, non. Une vieille dame maigre avec des cheveux blancs et une foule de petites rides. C'est bien, bon, mais mon chéri, une figure admirable, c'est pire que tout, ça c'est pour les artistes. Enfin. Ben, j'aimais mieux quand tu me disais, regardez-moi cette vilaine petite gueule. Oui, cher monsieur, oui, je plaisantais. Oh, tu es bête. Heureusement que tu es maladroit et que tu m'aimes. Si tu ne m'aimais pas et si tu étais adroit, le téléphone deviendrait une arme effrayante. Une arme qui ne laisse pas de traces, qui ne fait pas de bruit. Moi, méchante. Oh, bon. Allô, allô? Allô? Allô, chérie? Ah là là. Allô, allô? Allô, mademoiselle? Oh, mademoiselle, mais on coupe. Allô? Oh, allô, mademoiselle? Allô, allô? Ah, oh, là là là là. Oh. Allô? Allô, c'est toi? Mais non, mademoiselle, on m'a coupé. Mais je ne sais pas, moi. Enfin, c'est-à-dire, si, attendez. Auteuil 04,7. Allô? Allô? Pas libre? Ben, mademoiselle, il meurt... Mais il meurt de mort en ce moment. Bien. Oh. Là, là, là, là, là. Allô. Allô, allô, 04,7. Mais non, non, pas 6, 7. Oh, écoutez, non. Allô, mademoiselle, on se trompe. Je demande le 0,7, 04,7, Auteuil. Allô. Allô, Auteuil, 04,7. Ah oui, ah c'est vous, Joseph. C'est madame. Mais on nous a coupé avec monsieur. Voilà. Oui, oui. Ah, il ne rentre pas ce soir. Ah, oh, mais c'est vrai, je suis stupide. Monsieur me téléphonait d'un restaurant et on a coupé. Je redemande son numéro. Oui, excusez-moi, Joseph. Oui, merci. Merci bien. Bonsoir, Joseph. Oh. Allô? Allô? Ah, chérie, c'est toi. Oui, on avait coupé. Non, non, non, j'attendais. Mais non, on sonnait, je décrochais, puis il n'y avait personne. Non, pas sans doute. Oh, bon, bien sûr. Oh, tiens, sommeil, tu es bon d'avoir téléphoné. Non, très, très bon. Non, non, je suis là. Quoi? Oh, pardonne-moi, mon chéri, c'est absurde, mais... Oh, rien, j'ai... Non, j'ai rien, je te jure que je n'ai rien. Vous vous séparez, c'est... Oh, rien du tout, ça, tu te trompes. Le même que tout à l'heure. Seulement, tu comprends, on parle, on parle. On ne pense pas qu'il faudra se taire, raccrocher, retomber dans le vide, dans le noir. Alors, voilà. Écoute, mon amour. Écoute, je ne t'ai jamais menti. Oui, oui, je sais. Je sais, je te crois, j'en suis convaincue. Non, c'est pas ça. C'est parce que je viens de mentir. Tout de suite, là, au téléphone, depuis un quart d'heure, je mens. Je sais bien que je n'ai plus aucune chance à attendre, mais mentir ne porte pas la chance, et puis j'aime pas te mentir. Je peux pas, je veux pas te mentir, même pour ton bien. Oh, rien de bien de grave, mon chéri, ne t'effraie pas. Seulement, je mentais tout à l'heure en te décrivant ma robe et en te disant que j'avais dîné chez Marthe. J'ai pas dîné, j'ai pas ma robe rouge, j'ai un manteau sur ma chemise, parce qu'à force d'attendre ton téléphone, à force de regarder l'appareil, de m'asseoir, de me lever, de marcher de long en large, je devenais folle, tu entends, folle. Alors j'ai mis un manteau, puis j'allais sortir, prendre un taxi, me faire mener devant tes fenêtres pour attendre. Eh ben attendre, attendre, je sais quoi, je sais pas quoi. Oh, tu as raison. Si, si, si, si, je t'écoute, mon chéri. Mais je serai sage. Je répondrai à tout, je te jure. Ici, bon, j'ai rien mangé. Je ne pouvais pas. J'étais très malade, tu sais. Hier soir, j'ai voulu prendre un comprimé pour dormir. Je me suis dit que si j'en prenais plus, je dormirais mieux. Mais que si je les prenais tous, je dormirais sans rêve, sans réveil. Je serais morte. J'en ai avalé 12. Bon, dans de l'eau chaude. Bon, comme une masse. Et j'ai eu un rêve, tu sais. J'ai rêvé ce qui est. Je me suis réveillée en sursaut, toute contente parce que c'était un rêve. Et puis quand j'ai su que c'était vrai, que j'étais seule, que je n'avais pas la tête sur ton cou et sur ton épaule, et mes jambes entre tes jambes, j'ai senti que... je ne pouvais pas, que je ne pouvais pas vivre. Oh, légère, légère et froide, tu sais, je sentais plus mon cœur battre, et la mort était longue à venir, et comme j'avais une angoisse épouvantable, au bout d'une heure, j'ai téléphoné à Marthe. Je n'avais pas le courage de mourir seule. Mon chéri. Chérie. Très, très bien. Ah, oh, plus du tout. Ah, si, c'est vrai. C'est vrai. Ou un peu de fièvre. Oh non, 38,3. Moi, j'étais nerveux. Non, non, ne t'inquiète pas, mon chéri. Oh, je suis maladroite, mon Dieu. Je peux te jurer de ne pas te donner d'inquiétude et de te laisser partir tranquille, de te dire au revoir comme si nous devions nous retrouver demain. Et puis, oh, on est bête. Oh, si, si bête, mais si. Ce qui est le plus dur, c'est de raccrocher et de faire le noir. Allô? Allô? Je croyais qu'on l'avait coupé. Tu es bon, mon chéri. Mon pauvre chéri à qui j'ai fait du mal. Oh oui, oui, parle, parle. Dis n'importe quoi. J'ai souffert à me rouler par terre. Il suffit que tu parles pour que je me sente bien, que je ferme les yeux. Tu sais, quelquefois, quand nous étions couchés et que j'avais ma tête à sa petite place avec mon oreille contre ta poitrine et que tu parlais, j'entendais ta voix exactement la même que ce soir dans l'appareil. Lâche? Oh, mais c'est moi qui suis lâche. Non, mais moi, je m'étais juré de... Oh, bah, par exemple. Mais toi qui... Oh, toi qui ne m'as jamais donné que du bonheur. Mais mon chéri, Mais mon chéri, je le répète, ce n'est pas exact. Puisque je savais, j'attendais ce qui est arrivé. Alors que tant de femmes s'imaginent passer leur existence auprès de l'homme qu'elles aiment et apprendre la rupture sans préparatif. Je savais, je te dis. Même, je ne te l'ai jamais dit, mais tiens, chez la modiste, dans un magazine, j'ai vu sa photographie. Sur la table, grand ouvert à la bonne page. Bon, c'est humain, ou plutôt féminin. Parce que je ne voulais pas gâcher nos dernières semaines. Tout naturel. On ne me fait pas meilleur que je ne suis. Allô? Allô? Allô, j'entends de la musique. Non, j'ai dit j'entends de la musique. Eh bien, tu devrais cogner au mur et empêcher ses voisins de jouer du gramophone à des heures pareilles. Ils ont pris une mauvaise habitude parce que tu n'habitais jamais chez toi. Non, non, c'est inutile. Du reste, le docteur de Marthe reviendra demain. Non, mon chéri, non. Oh non, c'est un très bon docteur et il n'y a aucune raison pour que je le blesse ou en faisant venir un autre. Ne t'inquiète pas. Mais oui. Mais oui. Mais elle te donnera des nouvelles. Oh, je comprends. Je comprends. Oh, du reste, cette fois-ci, je suis brave, tu vois, très brave. Quoi? Oh, si, mille fois mieux. Oh, tu n'avais pas appelé, je serais morte. Non, non, attends. Attends, écoute, trouvons un moyen. Oh. Écoute, pardonne-moi, je sais que cette scène est intolérable et tu as bien de la patience, mais comprends-moi, je souffre, tu sais. Ce fil, c'est le dernier qui me rattache encore à nous. Avant-hier soir, ben, je suis dormie, je m'étais couchée avec le téléphone. Non, non, dans mon lit. Oui, oh, ben, je sais, je suis très ridicule, mais j'avais le téléphone dans mon lit parce que malgré tout, on est relié par le téléphone. Ben, il va chez toi et puis j'avais cette promesse de ton coup de téléphone. Alors, figure-toi que j'ai fait une foule de petits rêves. Ce coup de téléphone donnait un vrai coup que tu me donnais et je tombais, ou bien alors un coup qu'on étrangle. Ou bien j'étais au fond d'une mer qui ressemblait à l'appartement d'Auteuil. Et j'étais reliée à toi par un tuyau de scaphandre. Et je te suppliais de ne pas couper le tuyau. Enfin, des rêves stupides, quoi. Des rêves. Si on les raconte. Seulement dans le sommeil, il vivait et c'était terrible. Et parce que tu me parles. Voilà 5 ans que je vis de toi. Que tu es mon seul air respirable, que je passe mon temps à t'attendre, à te croire mort si tu es en retard, à mourir de te croire mort, à revivre quand tu entres et quand tu es là enfin, à mourir de peur que tu partes. Maintenant, j'ai de l'air parce que tu me parles. Non, mon rêve n'est pas si bête. Si tu coupes le tuyau. C'est entendu, mon amour. Au bout, j'ai dormi. J'ai dormi parce que c'était la première fois. Non, le docteur l'a dit, c'est une intoxication. Le premier soir, on dort, et puis la souffrance distrait. Elle est toute neuve, on la supporte. Ce qu'on ne supporte pas, c'est la seconde nuit. Hier, oh, et la troisième, ce soir. Dans quelques minutes, et puis demain, et après-demain, et des jours, à faire quoi, mon Dieu, à faire quoi? Non, non, j'ai pas de fièvre du tout, non, pas la moindre fièvre, je vois juste. Non, c'est parce que c'est insoluble. J'aurais mieux fait d'avoir du courage et te raconter des mensonges. Et en admettant que je dorme, après le sommeil, il y a les rêves, et le réveil, et manger, et se lever, et se laver, et sortir, et aller où? Mon pauvre chéri, je n'ai jamais eu rien d'autre à faire que toi. Pardon, j'étais toujours prise, c'est entendu, mais prise par toi, pour toi. Bon, Marthe a sa vie organisée, voyons. C'est comme si tu demandais à un poisson comment il compte arranger sa vie sans eau. Non, je te répète, je n'ai besoin de personne, chérie. Des distractions, je vais t'avouer une chose qui n'est peut-être pas très poétique, mais qui est vraie. Depuis ce fameux dimanche soir, j'étais distraite qu'une seule fois chez le dentiste quand il m'a touché un nerf. Ouais, seule. Seule. Oh, voilà 2 jours qu'il ne quitte pas l'antichambre, cette pauvre bête. Non, moi, j'ai voulu l'appeler, le caresser, il refuse qu'on le touche. Oh, mais c'est un peu plus, il me mordrait. Mais oui, moi. Il retourne les lèvres, il grogne. C'est un autre chien, je t'assure, il me fait peur. Chez Marthe? Mais je te répète qu'on ne peut pas l'approcher, voyons. Mais Marthe a eu toutes les peines du monde à sortir. Il ne voulait pas laisser ouvrir la porte. Bon, c'est même plus prudent, je te jure qu'il m'effraie. Il ne mange plus, il ne bouge plus. Et quand il me regarde, il me donne la chair de poule. Ben, comment veux-tu que je sache? Il croit peut-être que je t'ai fait du mal. Pauvre bête. Oh, je n'ai aucune raison de lui en vouloir. Je ne le comprends que trop bien. Il t'aime. Il ne te voit plus rentrer, il croit que c'est ma faute. Eh bien, essaie d'envoyer Joseph. Ah, ça, je crois qu'il suivrait Joseph. Oh, moi, tu sais, un peu plus, un peu moins. Il ne m'adorait pas du tout, la preuve. Oh, bien, il en avait l'air, c'est possible, mais je te jure bien qu'il ne faudrait pas que je le touche. Bon, ben, si tu ne veux pas le reprendre, je le mettrai chez un garde. C'est inutile que ce chien tombe malade et devienne méchant, voyons. Mais il ne mordra personne s'il est chez toi. Il aimera ceux que tu aimes. Enfin, je veux dire, il aimera les gens avec lesquels tu vis, quoi. Oui, mon chéri, bien sûr. Ben, c'est entendu, mais c'est un chien. Malgré son intelligence, il ne peut pas le deviner. Alors, ça, je ne me gênais pas devant lui, alors Dieu sait ce qu'il a vu. Enfin, je veux dire qu'il ne me reconnaît peut-être pas. Je lui ai peut-être fait peur, on ne sait jamais. Non, au contraire. Ben, regarde, tante Jeanne, le soir où je lui ai appris que son fils avait été tué. Elle est très pâle et très petite, eh bien, elle est devenue toute rouge et géante, une géante rouge. Elle cognait le plafond avec sa tête et elle avait des mains partout et son ombre remplissait la chambre et faisait peur. Elle faisait peur. Non, moi, je te demande pardon. Non, mais justement, sa chienne. Elle se cachait sous la commode et puis elle aboyait comme après une bête. Mais je ne sais pas, mon chéri, comment veux-tu que je sache? On n'est plus soi-même. J'ai dû faire des choses effrayantes. Pense que j'ai déchiré tout le paquet de mes photographies et l'enveloppe du photographe d'un seul coup, sans m'en apercevoir. Enfin, même pour un homme, ce serait un tour de force. Celle pour le permis? Quoi? Mais non, puisque j'ai plus besoin de permis. Oh, c'est pas une perte. Bon, j'étais affreuse. Non, jamais. Donc ça, j'ai eu la chance de te rencontrer en voyageant. Maintenant, si je voyageais, je pourrais avoir la malchance de te rencontrer. Non, moi, n'insiste pas, Val. Non, laisse. Allô? Bon, ben, ça recommence. Allô, madame. Allô, madame, retirez-vous. Madame, vous êtes avec des abonnés. Allô? Mais non, madame, mais... Oh, ça, franchement. Mais madame, nous ne cherchons pas à être intéressants. Vous n'avez qu'à ne pas rester sur la ligne. Et si vous nous trouvez ridicule, pourquoi perdez-vous votre temps au lieu de raccrocher? Oh, non, ben... Mon chéri, non, ne te fâche pas, enfin... Non, cette fois, chez moi, c'est moi, non, je touchais le récepteur, c'est... Oh, elle a raccroché tout de suite après avoir dit cette chose ignoble, oh. Allô, tu as l'air frappé. Si, tu es frappé à cause de ce que tu viens d'entendre. Je connais ta voix, tu penses. Si, tu es frappé. Mais mon chéri, cette femme doit être très mal. Elle ne te connaît pas. Elle croit que tu es comme les autres hommes. Mais non, mon chéri, ce n'est pas du tout pareil. Quel remords. Allô. Non, laisse. Oh, ne pense plus à cette stupidité, c'est fini. Oh, que tu es naïf, mon chéri. Qui? N'importe qui. Avant-hier, j'ai rencontré la personne dont le nom commence par S. Par la lettre S. B.S. Oui, Henri Martin. Eh bien, elle m'a demandé si tu avais un frère et si c'était lui dont on annonce le mariage. Oh, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? La vérité? Bon, un air de condoléance. Oh, je t'avoue, je ne me suis pas éternisée. Hein? J'ai dit que j'avais du monde à la maison. Non, écoute, ne cherche pas midi à 14 heures, c'est très simple. Les gens détestent qu'on les lâche. Et peu à peu, j'ai lâché tout le monde. Je ne voulais pas perdre une minute de nous. Oh, ça a complètement égal. Alors, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Bon, ça. Mais il faut être juste. Notre situation est inexplicable pour les gens. Pour les gens, on s'aime ou on se déteste, quoi. Les ruptures sont des ruptures. Oh, ils regardent vite, tu ne leur feras jamais comprendre. Je dis, tu ne leur feras jamais comprendre certaines choses. Oui, pas le mieux de faire comme moi, de s'en moquer. Oh, complètement. Non, rien, je parle. Non, je crois que nous parlons comme d'habitude, et puis tout à coup, la vérité me revient, alors... Oh, mon Dieu, pourquoi se faire des illusions? Oui. Ben oui. Non, dans le temps, on se voyait, on pouvait perdre la tête, oublier ses promesses... Risquer l'impossible, convaincre ceux qu'on adorait en les embrassant, en s'accrochant à eux. Un regard pouvait changer tout, mais avec cet appareil, là, ce qui est fini. Oh, mon Dieu. Non, sois tranquille, mon chéri, on ne te suicide pas deux fois. Oh, peut-être pour essayer de dormir. Je ne saurais pas acheter un revolver. Non, mais tu ne me vois pas acheter un revolver, non? Vous trouverez la force de combiner un mensonge, mon pauvre adoré? Aucune. Oh, j'aurais dû avoir la force. Il y a des circonstances où le mensonge est utile. Tu vois, toi, si tu me mentais pour rendre la séparation moins pénible... Non, chérie, je ne dis pas que tu mentes. Je dis, si tu mentais, et que je le sache, si par exemple tu n'étais pas chez toi et que tu me dises... Écoute, mon chéri. Je te crois. Mais je te crois, je n'ai pas voulu dire que je ne te croyais pas. Mais pourquoi te fâches-tu, voyons? Si tu prends une voix méchante. Non, je disais simplement que si tu me trompais par bonté d'âme et que je m'en aperçoive, je n'en aurais que plus de tendresse pour toi. Allô? Oh, cette fois, il m'a coupé. Allô? Oh, mon Dieu. Mon Dieu, faites qu'il me redemande. Ah, on l'avait coupé. Oui. Non, j'étais en train de te dire que si tu me mentais par bonté, que je m'en aperçoive, je n'en aurais que plus de tendresse pour toi. Oh, bien sûr. Moi, tu es fou. Mon amour. Mon cher amour. Oh oui, c'est vrai. Je sais bien qu'il le faut, mais c'est atroce, tu sais, je n'aurai jamais ce courage. Mais oui, on a l'illusion d'être l'un contre l'autre, et puis brusquement, on met des caves, des égouts, toute une ville entre soi. Tu te souviens d'Yvonne qui se demandait comment la voix peut passer à travers les tortillons du fil? Tu vois, j'ai le fil autour de mon cou. J'ai ta voix autour de mon cou. Oh, ben, il faudrait que le bureau nous coupe par hasard, ce serait... Oh, mon chéri, comment peux-tu imaginer que je pense une chose si laide? Je sais bien que cette opération est encore plus cruelle à faire de ton côté que du mien. Oh, non. Non. À Marseille? Oui. Écoute, chérie, Écoute-moi, puisque vous serez à Marseille après-demain soir, je voudrais... Enfin, j'aimerais... J'aimerais que tu ne descendes pas le thé, nous descendons d'habitude. Tu n'es pas fâché. Parce que les choses que je n'imagine pas n'existent pas, enfin, ou bien elles existent dans une espèce de lieu très vague et qui fait moins mal. Tu comprends? Merci. Merci. Oui, tu es très bon, mon chéri. Je t'aime. Alors, alors voilà. Voilà. Enfin, je l'ai dit machinalement tout de suite. Oh, ça, j'en doute. On ne sait jamais. Oui, oh, c'est mieux, oui. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mon chéri. Mon beau chéri. Oui, je suis brave, mais dépêche-toi, vas-y, coupe, coupe vite, coupe, coupe, coupe vite. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.